C'est tout ce que je sais. Raconter sa vie, c'est un truc que je peux pas. C'est pas que je veux pas, mais c'est que je peux pas. Chez nous c'est comme ça, tu sais on parle pas. C'est pas qu'on s'aime pas, on s'aime à basse voix. Une drôle de fierté, du coup on le dit pas. Pour moi il était cadeau, bonne cuisine. C'est tout, mes souvenirs ont sauté sur une mine. Handicapé, je connais pas mes racines. Acculturé, c'est un manque que j'exprime. Grand-père parlait pas français mais chinois. Et puis le créole qu'il a pris sur le tas. Grand-père est venu jusqu'ici en bateau. Le jour de l'arrivée, est-ce qu'il faisait beau? C'est bête, j'en sais rien, fallait juste demander. Grand-père est parti, je savais pas qui c'était. Repas de famille, tout le monde à la même table. Avant j'étais petit, je voyais pas ce qu'il y avait en haut de la table et je voulais regarder. Maintenant que j'ai grandi, je peux plus me baisser. Repas de famille, tout le monde à la même table. Avant j'étais petit, je voyais pas ce qu'il y avait en haut de la table et je voulais regarder. Maintenant que j'ai grandi, je peux plus me baisser. Petit, quand je courais, mes cousins me regardaient. Et là je regarde leurs enfants passer sur leur VTT quand je bois mon café. Assis au soleil, que le temps a passé. Du haut de mes trois pommes, je suis devenu paumé. Petit paumé, je voulais être pompier. J'ai porté des fruits, beaucoup sont tombés. Et puis j'ai grandi sans indemnité. J'avais peut-être 11 ans, ces vacances d'été. Autour de la table, tout le monde y était. Maintenant c'est fini, une guerre de tranchées sépare la famille depuis des années. Les yeux vers le ciel, je l'implore à haute voix. Faites que mes fils s'entendent après moi. Qu'ils célèbrent leur joie autour d'un repas. C'est tout ce que je souhaite si je deviens papa. Repas de famille, tout le monde à la même table. Avant j'étais petit, je voyais pas ce qu'il y avait en haut de la table et je voulais regarder. Maintenant que j'ai grandi, je peux plus me baisser. Repas de famille, tout le monde à la même table. Avant j'étais petit, je voyais pas ce qu'il y avait en haut de la table et je voulais regarder. Maintenant que j'ai grandi, je peux plus me baisser. Repas de famille, aujourd'hui pas de retard. Je suis mieux en avant, je partirai au plus tard. Ma vie je l'ai faite, du moins je la continue. Je suis loin de la fin mais aussi du début. Je suis parti de chez moi il y a bien longtemps. Du coup je m'assois et je savoure cet instant. Le temps a ses règles, on connaît ses lois. L'infini pour nous, ça n'existe pas. Et donc nous voilà autour d'un repas. L'espace d'un instant, tout le monde on y croit. Du momentané, de l'instantané. On sert le café et on parle du passé. Et comme ça arrive la fin de la journée, avec la soirée, on va s'en aller. Petit paumé, je voulais être pompier. Et puis j'ai grandi sans indemnité. Repas de famille, tout le monde à la même table. Avant j'étais petit, je voyais pas ce qu'il y avait en haut de la table et je voulais regarder. Maintenant que j'ai grandi, je peux plus me baisser. Repas de famille, tout le monde à la même table. Avant j'étais petit, je voyais pas ce qu'il y avait en haut de la table et je voulais regarder. Maintenant que j'ai grandi, je peux plus me baisser. Repas de famille, tout le monde à la même table. Avant j'étais petit, je voyais pas ce qu'il y avait en haut de la table et je voulais regarder. Maintenant que j'ai grandi, je peux plus me baisser.